Chapitre 15e. En traversant un des corridors de la préfecture de police, où il était obligé de faire de temps à autre acte de présence, Bibert se trouva un jour en face du chef de la police de sûreté. « Eh bien, lui dit celui-ci en l'abordant, vous nous avez mis dans de beaux draps. »« Qu'entendez-vous par là ? » demanda Bibert. « Nous avons failli perdre l'Anglade. »« Ah bah, il a essayé de se sauver. »« Il était sur le point de mourir. »« Tiens, il aurait aussi bien fait d'en finir, le pauvre diable. » Pour lui peut-être, mais pas pour nous. On n'aurait pas manqué de dire que nous l'avons tué ou laissé échapper. On compte sur un procès intéressant, et le Parisien ne plaisante pas lorsqu'on supprime ses émotions et ses plaisirs. Heureusement que l'Anglade est maintenant guérie. Qu'avait-il eu? Une espèce de coup de sang ou de transport au cerveau à la suite de l'entrevue que vous avez cru devoir lui ménager avec sa maîtresse? C'est pour cela qu'on tarde tant à le juger, évidemment. Nous ne demandons qu'à nous débarrasser de lui le plus vite possible. Ce n'est pas un prisonnier commode, il faut toujours le surveiller. Il commet encore des actes de violence? Non, il est maintenant très calme, très abattu. Mais nous sommes payés pour nous méfier de lui, et nous nous tenons continuellement sur nos gardes. Où l'a-t-on transféré? Demanda l'agent de police. Nulle part, il est à la conciergerie, nous préférons l'avoir sous la main. À propos, puisque vous êtes ici, vous devrez bien aller le voir. Moi? Et pourquoi? Vous avez une certaine influence sur lui. Vous nous l'avez prouvé, et vous obtiendrez peut-être qu'il consente à répondre aux questions du juge instructeur. Il n'en répond pas, je l'avais prévu. Il a été impossible depuis le commencement de l'instruction, reprit le chef de la sûreté, de lui arracher non seulement un aveu, mais une parole. Il a parlé autrefois, cela suffit. Il vaudrait mieux qu'il parlât maintenant. Il serait regrettable de le voir persister devant le jury dans ce système de mutisme absolu. Oh, dit Bibert, n'ayez pas à cet égard le moindre doute, il persistera, s'il se l'est promis. Lorsqu'il entre une idée dans une tête de ce calibre-là, on ne l'en arrache pas facilement. Je crois que vous arracheriez celle-là. Voulez-vous essayer? Je n'y vois aucun obstacle. Je dis seulement que c'est inutile. Venez avec moi, je vais vous conduire. L'Anglade, lorsque Bibert entra dans sa cellule, était étendu sur son lit, la tête du côté de la muraille. Peu habitué à recevoir des visites, il pensa probablement qu'un gardien de la prison venait faire son service, il ne se donna pas la peine de se retourner. Alors Bibert marcha droit à son lit et lui touchant l'épaule. « Eh bien, mon vieux, nous avons donc été malades ?» L'Anglade se redressa, son visage encore très pâle se colora, ses yeux très affaiblis par la maladie s'éclairèrent, et il dit à Bibert. « C'est toi ?»« Eh bien, là, vrai, je suis content de te voir. Comment va ton genou ?»« Oh, ne parlons pas de cette misère !» répondit l'agent de police. Il y a longtemps que c'est passé. Je n'ai pas ta chance, moi. Je n'ai pas eu de transport au cerveau. Pendant ta maladie, au moins, tu as pu oublier. Oui, dit l'Anglade tristement, mais je vais mieux aujourd'hui. Songes-tu encore à cette créature qui t'a fait si cruellement souffrir? Oui, toujours. Est-ce que par hasard tu l'aimerais encore? Oui, répondit l'Anglade sans hésiter. Cela t'étonne, ajouta-t-il au bout d'un instant. Moi, fit Bibert, moi m'étonner de ta stupidité? « Allons donc, je suis de ta force. Je crois même que je te rendrai des points. M'étonner de ta persistance à aimer qui ne t'aime pas, mais c'est toujours ainsi, mon brave. Tu adores soleil couchant parce qu'elle se conduit avec toi de la façon la plus odieuse. S'il était bien douce, bien bonne, bien chatte, si elle venait te faire la visite tous les matins et t'apporter un petit bouquet de violettes, elle ne tarderait pas à t'ennuyer. Réfléchis donc, si on aimait toujours et qu'on fût toujours aimé, on serait trop heureux. » La vie se résumerait dans un grand enlacement et un éternel baiser. Tu l'as vu? Demanda l'Anglade, qui attendait avec impatience pour adresser cette question que Bibert eût débité ses aphorismes. Non, répondit l'agent de police, je ne l'ai même pas perçue. Où est-elle en ce moment? Je n'en sais absolument rien. J'ai voulu, dit l'Anglade, interroger les gardiens à son sujet, ils ont refusé de me répondre. Cela n'a pas dû t'étonner. Les gardiens de prison ne sont pas en général très communicatifs. Toi-même, du reste, n'abuses-tu pas du droit d'être discret? Oui, dit l'Anglade, on voudrait me faire causer, mais je n'aime pas ça. Est-ce que tu aurais par hasard la même intention, toi? Je ne serais pas fâché de te décider à répondre aux questions de ton juge d'instruction. C'est un brave homme, il ne faudrait pas le contrarier. Il m'ennuie. C'est son droit. Tu l'ennuies bien davantage, toi, qui refuses de causer avec lui. Que veux-tu que je lui dise? Il me demande un tas de choses auxquelles je ne comprends rien. Il exige des détails sur la façon dont j'ai tué le monsieur de la rue de la Paix. Moi, je préfère ne point parler de ça, et j'ai pris le parti de faire le muet. As-tu au moins conféré avec ton avocat? Mon avocat? J'ai refusé de descendre par loi quand il est venu. Comment te défendra-t-il alors ? Je ne tiens pas à ce qu'il me défende, s'écria vivement Langlade. Qu'il me laisse tous tranquilles, on ne m'en condamnera pas moins, quoi que je dise et quoi que je fasse. Cependant, reprit Bibert, tu avais encore quelques chances de t'en tirer. Allons donc, tu m'as dit toi-même autrefois que mon affaire était des plus claires. J'ai pu me tromper, fit observer l'agent de police. Ta cause est détestable, c'est certain, vu tes antécédents. Mais un avocat habile peut faire valoir qu'il n'y avait pas préméditation de ta part, que tu as seulement obéi à un sentiment de fureur et de jalousie qui t'avait fait perdre la raison. Puis, il existe en France bien des jurés qui, ne voulant pas de la peine de mort, accordent toujours et quand même des circonstances atténuantes. Eh ! S'écria Langlade, je n'en veux pas de leurs circonstances atténuantes. Si je ne puis plus vivre avec soleil couchant, je préfère mourir. À ton aise, tu as pris le parti de ne pas te défendre, soit. C'est un suicide comme un autre. Allons, adieu, as-tu besoin de quelque chose ? Veux-tu du tabac ? Non, je ne fume pas. C'est juste. Tu n'as pas de défaut, toi. Tu n'as que des vices. Tu peux cependant me rendre un grand service, dit Langlade, tandis que Bibert frappait à la porte pour appeler le gardien. Je sais ce que tu vas me demander, répliqua l'agent de police en se retournant. Tu voudrais des nouvelles de soleil couchant ? J'en demanderai. Ah ! Ne te rapporte pas à ce qu'on te dira. Va la voir. Soit. Tu lui parleras de moi ? Tout le temps. Et si elle te disait quelque bonne chose, je viendrai t'en faire part. Adieu. Au revoir, dit Langlade. La porte se referma.